la sera Ionati, Ionati veseter amare rega Ionati vefagere la sera Ionati, Ionati veseter amare rega Arini et mare ai Ashmini et collech Arini et mare ai Ashmini et collech Collech Yonati Vechagre hasera Yonati Yonati Veseper Amare rega Yonati Vechagre hasera Yonati Yonati Veseter Amare rega Harini et marai Ashmini et kolle Harini et marai Ashmini et kolle Harini et marai Ashmini et kolle Harini et marai Ashmini et kolle